loin de vous, mais je vais à l'instant servir avec diligence. Mais François n'est pas vu que le monde chante à l'ami des amoureux. C'est François les babuleux, c'est François les babuleux, que le monde chante à la ronde. L'ami des amoureux, c'est François les babuleux. Vous êtes bien marquise, venez, venez chez moi. Pleurez ma devise, vous servirez ma loi. Oh, messager fidèle, dont c'est tous les jours, qui serait des pleins de zèle, protégez vos amours. Dis-donc, dis-donc, c'est François les Babuleux, que le monde chante à l'amour. L'ami des amoureux, c'est François les Babuleux, c'est François les Babuleux, que le monde chante à l'aurore. L'ami des amoureux, c'est François, c'est François, et Babuleux.